pire et du mal. Viens entendre ce que j'ai hal. Des idées trop sales qui me bouffent le mental. Et j'étouffe dans la galère. N'a plus le goût clair. Tâche de haine, elle m'emmène dans son mystère. C'est sombre et si moi je me donne envie que j'égorge, me coupe l'envie que je force. Je veux que je déçois mes proches. Elle me pousse dans la déception. Améliore la réception. Les bras ouverts, le diable t'offre de l'affection. Je m'affectionne, je m'impressionne. Ses pensées m'abandonnent. Pas, elle reste là en attendant que j'en donne. Et je me donne du mal à rester zen dans mon crâne. À qui est la faute que cette vie est un drame? Qui veut que je rame? Qui veut que je crame? Je regrette car je n'ai jamais voulu suivre cette rame. Qui me guide vers les flammes? Qui me coûtera mon âme? Un geste suffit pour disparaître du macadam. On respire de la haine, on se fait tous la peine. Inspiré par le mal et des idées malsaines. Et nos cœurs sont brisés, nos veines métallisées. Nous visons la lune mais on a tous peur de miser. On respire de la haine, on se fait tous la peine. Inspiré par le mal et des idées malsaines. Et nos cœurs sont brisés, nos veines métallisées. Nous visons la lune mais on a tous peur de miser. Le mal dans les veines, le mal pour oxygène. Si dur mais si jeune, on vit comme des indigènes. Nique les lois anti-jeunes, celles qui nous font rire jaune. Pour s'enfuir, on se réfugie auprès de Marie-Jeanne. Malgré toutes les horreurs qu'ils nous mettent dans la gueule, qu'ils nous jettent sans accueil, j'ai pu m'en sortir seul. Je voudrais ma tête sur un plateau, mes ennemis sur un bateau. Se réjouissant de ma perte, savourant ma part du gâteau. La vie ne fait pas de cadeau, la haine dans les abdos. Chétan nous tourne autour depuis qu'on est ado. Il essaie de la mettre à d'autres. Vu que sur moi ça marche plus. J'ai pensé mes blessures, donc ma tête ne penche plus. Car c'est ça être un homme, c'est affronter les problèmes. Mettre ses balles sur la table et réprimer sa haine. C'est réprimer sa peine, s'en servir pour avancer. Personne le fera pour toi, dans la vie il faut foncer. On respire de la haine, on se fait tous la peine. Inspiré par le mal et des idées malsaines. Et nos cœurs sont brisés, nos veines métallisées. Nous visons la lune mais on a tous peur de miser. On respire de la haine, on se fait tous la peine. Inspiré par le mal et des idées malsaines. Et nos cœurs sont brisés, nos veines métallisées. Nous visons la lune mais on a tous peur de miser. J'fais rarement ce que je pense, ce qui me passe par la tête. Si je le faisais, je serais mort, j'aurais peut-être pris perpète. Ce qui rend fort un homme, ce n'est pas d'agir comme une bête. Ce qui rend fort un homme, c'est de vivre sans dé. J'essaie de vivre sur une droite en gardant toujours la foi. Les virages sur mon chemin m'empêchent d'être droit. Ce que j'essaye de te dire, c'est de faire les bons choix. On vit pas pour les autres, rien à foutre de ce qu'ils croient. Le moteur, c'est la haine, le coco, c'est la peine. Ne reste pas à la traîne ou tu manqueras à la paix. C'est dur de rester droit, s'enlever son troisième doigt. La bonne route est sinueuse, il vaut mieux être à droite. À gauche t'as le diable et à droite t'as Dieu. Les choix d'aujourd'hui pèseront quand on fera nos adieux. Il faut que je fasse au mieux si je veux atteindre les cieux. Car on paiera nos actes quand on fermera les yeux. On respire de la haine, on se fait tous la peine. Inspiré par le mal et des idées malsaines. Et nos cœurs sont brisés, nos veines métallisées. Nous visons la lune mais on a